Alors, vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1. Alors, récemment, le gouvernement du Canada a décidé de reprendre à zéro tout le processus d'acquisition des avions qui remplaceront les CF-18 de l'armée canadienne. Il avait été sévèrement critiqué par son choix précédent. Les avions de chasse F-35 de Lockheed Martin, l'entreprise américaine de défense en charge de la construction de ces avions, notamment à cause des caractéristiques techniques. Donc, pour y voir plus clair, pour démêler tout ça, Philippe Rioux va nous parler des considérations techniques qui entourent l'achat des nouveaux avions de chasse. Et puis, bref, qu'est-ce qu'il en est pour l'armée canadienne? Donc, bonjour Philippe. Bonjour, bonjour. Si vous pensez que c'est difficile d'acheter une voiture, imaginez un avion de chasse. C'est vraiment c'est compliqué. Engageant, hein? C'est vraiment très compliqué. Alors, comme tu l'as dit, le gouvernement a vraiment pris une pause dans le processus et je pense que c'est vraiment une excellente décision pour approfondir la réflexion. En fait, ils ont décidé de faire un réel appel d'offres puisqu'en avant, il n'y avait pas vraiment d'appel d'offres. On parle ici d'une facture de dizaines de milliards de dollars, presque 40 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment non négligeable. Donc, pour bien établir le contexte, je crois qu'il serait bon de rappeler un peu les événements de l'historique des F-35, finalement. Oui, c'est pour faire la petite histoire du F-35. Fin des années 90, les États-Unis démarrent le Joint Strike Fighter Program, qui était en fait un appel d'offres ou en même temps qui est un concours qui visait à faire l'achat de la prochaine génération d'avions de chasse abordables, puisqu'il y avait le F-22 avant, mais il était vraiment extrêmement dispendieux. Ils en voulaient une version un peu plus abordable pour faire la majorité de l'armée. Donc, Boeing et Lockheed Martin ont construit chacun un appareil expérimental dans le but d'obtenir le juteux contrat. L'appareil doit être capable de remplir les conditions des trois quarts de l'armée américaine, donc l'armée de l'air, la marine et les Marines, qui sont pas la même chose. La marine, eux autres, c'est la Navy. Il y avait des conditions, en fait, de décollage à la verticale et pouvant être utilisées sur un porte-avions. Ces trois quarts d'armée-là utilisent traditionnellement des appareils différents. Et là, ils voulaient vraiment utiliser un seul appareil pour faire des économies. Boeing a construit le X-32, qui est probablement un des avions les plus laids jamais désignés. Et le Lockheed a désigné le X-35, qui, sans réelle surprise, a gagné le concours et le X-35 est devenu le F-35. Donc, le Joint Strike Fighter Program a été financé en grande partie par le gouvernement américain, mais aussi par plusieurs membres de l'OTAN, dont le Canada. C'est une très belle histoire, mais il semble que finalement l'avion soit beaucoup moins abordable que prévu selon ce qu'il souhaitait au départ. Oui, les coûts ne cessent d'augmenter en fait. Donc, le problème c'est que le F-35 c'est quand même un bon avion qui est équipé des dernières technologies, mais il est vraiment plus cher que prévu et mauvais timing. Nos CF-18, nos appareils au Canada, approchent de la fin de leur vie utile. Mm-hmm. Il faut vraiment s'en procurer dans un avenir, disons, à moyen terme. Donc, est-ce que la réflexion se fait seulement sur le nombre d'appareils F-35 que le gouvernement veut acquérir? C'est sûr que ça fait partie de la réflexion. Combien d'avions est-ce qu'on a réellement besoin? Mm-hmm. Si on demande à l'armée combien d'avions vous avez besoin, ils vont toujours en dire plus. Évidemment. Mais la question fondamentale que l'aviation canadienne doit vraiment se poser, c'est quel genre de mission on veut donner à ses avions et à leurs pilotes. En ce moment, le F-35 est l'option la plus avancée et la plus dispendieuse, mais il y a d'autres appareils qui pourraient être envisagés. De plus, dépendamment du contexte, certains autres appareils pourraient faire tout aussi bien le travail et même surpasser le F-35 pour une fraction du coût. Donc, on aurait le choix. Quelles seraient les autres options qui seraient intéressantes? Et là, c'est là que ça devient plaisant parce que c'est du magasinage. Ah! Mais c'est du magasinage très dispendieux. L'option la plus facile, ça serait d'acheter des F-18 Super Hornet, qui sont en fait des F-18 qui sont très similaires à nos CF-18 actuels, mais c'est comme une nouvelle version remodelée, redésignée et mise aux technologies du jour, disons. D'accord. Donc, racheter des F-18, ça aurait plusieurs avantages. Toutes nos infrastructures d'entretien pourraient rester essentiellement inchangées. Ah. Les pilotes ont juste à suivre quelques heures de formation pour s'adapter aux nouveaux appareils. Et ils coûtent seulement 70 millions pièces comparé à plus de 200 millions en ce moment pour les F-35. Un autre appareil envisagé, c'est le Eurofighter Typhoon, qui est un appareil construit en Europe, qui est utilisé par l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, à un coût d'environ 200 millions. Il n'est vraiment pas donné, donc ça se rapproche quand même du F-35, mais il est extrêmement agile et il y a un rayon d'action quand même très grand, donc ça, c'est vraiment intéressant. Si on regarde du côté français, Il y a le Rafale qui est construit par Dassault, qui est une option quand même économique et très flexible, qui est aux alentours de 100 millions par appareil, qui combine une vitesse maximale importante puis un rayon d'action qui est également très intéressant. Sans oublier le chasseur construit par Saab en Suède, le Griffon. Le constructeur de voitures. Oui, en fait, le constructeur de voitures n'existe plus, en fait. Donc, tout ce qui reste, c'est leur portion avion de chasse, aviation. De toutes les options, c'est celle-là la moins chère à l'utilisation et à l'achat. Puis, je voudrais spécifier les prix d'utilisation. Par exemple, le Griffon, c'est aux alentours de 5 000 $ à l'heure, mais les autres, ça monte à 10 000, parfois 21 000 et parfois même 31 000 $ à l'heure. C'est à compter aussi, oui, là. Oui, dans les frais, hein? C'est non négligeable. Faut s'en occuper. Très non négligeable. Donc, avec les F-35, il y a 5 différents avions qui sont à l'étude. Comparé aux alternatives, qu'est-ce que le F-35 nous donnerait vraiment de plus? La furtivité. Essentiellement, c'est sa grosse différence. Il a été conçu pour avoir une empreinte radar très réduite, surtout comparé aux autres options que je viens de mentionner. Cette furtivité-là, combinée à des outils de détection dernier cri, permet au F-35 d'attaquer un autre avion avant que ce dernier ne le détecte. Wow. Donc, imaginez que vous êtes dans un avion ennemi et que votre ordinateur de bord vous informe qu'un missile air-air fonce droit sur vous. Mais vous êtes incapable de détecter l'appareil qui vous attaque. C'est un gros problème. Et le F-35 peut faire ça car il peut détecter l'ennemi, envoyer un missile, faire demi-tour et prendre la fuite indétectée. Donc, dépendamment du contexte de combat, ça peut être vraiment un énorme avantage. Ouais, je vois ça. C'est bien beau, mais aussi, est-il vraiment essentiel d'avoir ces capacités-là de furtivité? Là? Ça, c'est la question à 40 milliards, honnêtement. une partie de la mission qu'on veut donner à ces nouveaux appareils-là, c'est de la patrouille dans notre grand territoire nordique. Pour ce genre de mission-là, un F-35 n'est pas vraiment une mauvaise option. Mais il y a d'autres avions qui pourraient faire aussi bien, peut-être même mieux, à un prix beaucoup, beaucoup moindre. Là. OK. Et puis, dans un contexte de patrouille, justement, en territoire éloigné, c'est quoi les caractéristiques qui sont déterminantes? C'est différent que d'être furtif pour attaquer un ennemi. Là. On n'est pas dans la même condition. Ce qu'on veut, c'est un rayon d'action. Une capacité de ravitaillement en vol, ça, c'est vraiment un bonus. Le F-35 le possède. Il y a d'autres appareils, entre autres le Griffon, qui peut le faire. Mais ce qui inquiète certains pilotes que j'ai entendu parler de cette problématique-là, c'est le nombre de moteurs, en fait. D'accord. Les CF-18 qu'on a en ce moment, ils ont 2 moteurs. Mm-hmm. Et ça offre une sécurité supplémentaire si un moteur vient à s'arrêter. Il reste, en fait, un moteur qui permet de revenir, permettre aux pilotes de revenir à la base. Le F-35 et le Griffon suédois, ils ont juste un moteur. Donc, pilotes si ça va pas bien, ça va pas bien. Ça va très, très mal, en fait. Donc, les pilotes qui font ce genre de mission-là vous diront qu'ils aiment vraiment avoir 2 moteurs dans le milieu de nulle part dans le Grand Nord canadien. Ouais, je comprends. Puis, dans ce genre de contrat, j'imagine qu'il y a d'autres considérations que le prix et les capacités des appareils. Là, c'est pas juste pur et dur des belles considérations. Non, c'est pas des décisions qui se font 100% avec la tête froide, soyons honnêtes. Il n'y a pas un article « Protégez-vous » sur lesquels ces gens-là se basent. Là. Avec des petits tableaux. Oui, avec des tableaux pas comparatifs. Il y a de la grosse politique qui se fait, beaucoup de politique. Là. Les États-Unis ont investi massivement dans le programme. Là. On parle d'un trilliard de dollars, donc 1000 milliards de dollars, et ça continue. Les États-Unis font des pressions énormes pour vendre le F-35. D'ailleurs, les Suédois, en fait, se sont rendus compte qu'il y avait eu des trucages au niveau des appels d'offres pour les prochains avions norvégiens, qui est leur pays voisin. Et l'appel d'offres était truqué dans le sens de favoriser le F-35 au dépens du Griffon suédois, qui est essentiellement 3 fois moins cher et qui fait un travail très respectable. Donc, il est clair que la raison pourquoi le F-35 a été envisagé en premier, c'est à cause de ce genre de pression-là. Mais aussi, il faut se rappeler que le Canada a déjà investi dans le développement du F-35, étant donné que dès le départ, on était intéressé à s'en procurer. Donc, maintenant qu'on a les mains déliées, je pense qu'on va prendre une meilleure décision au niveau des appareils et au niveau du nombre. Peut-être même qu'on va pouvoir faire des achats mix en achetant quelques appareils de ce genre-là, quelques F-35. On verra qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais il y a un autre qui se pointe. Puis ça, c'est les drones. Les avions sans pilote. Mais ça, c'est pour une prochaine chronique. C'est pour une prochaine chronique. Ça, c'est un autre débat. Assez intéressante, j'avoue. Donc, merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Donc, on va faire une petite pause musicale et on vous revient tout de suite après avec la revue de presse.